بسم الله الرحمن الرحيم حاميم Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. حاميم. والكتاب المبين. Par le livre, le Coran explicite. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. Nous l'avons fait descendre en une nuit bénie. Nous sommes en vérité celui qui avertit. فيها يفرق كل أمر حكيم. Durant laquelle est décidé tout ordre sage. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. C'est là un commandement venant de nous. C'est nous qui envoyons les messagers. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. À titre de miséricorde de la part de ton Seigneur, car c'est lui l'audient, l'omniscient. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. Seigneur des cieux et de la terre, et de ce qui est entre eux, si seulement vous pouviez en avoir la conviction. لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. Point de divinité à part lui. Il donne la vie et donne la mort, et il est votre Seigneur et le Seigneur de vos premiers ancêtres. بل هم في شك يلعبون. Mais ces gens-là, dans le doute, s'amusent. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. Eh bien, attends le jour où le ciel apportera une fumée visible. يغشى الناس هذا عذاب أليم. Qui couvrira les gens. Ce sera un châtiment douloureux. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. Seigneur, éloigne de nous le châtiment, car à présent nous croyons. أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. D'où leur vient cette prise de conscience alors qu'un messager explicite leur est déjà venu. Puis ils s'en détournèrent en disant « C'est un homme instruit par d'autres, un possédé. » إنكم عائدون. Nous dissiperons le châtiment pour peu de temps, car vous récidiverez. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. Le jour où nous userons de la plus grande violence et nous nous vengerons. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. Et avant eux, nous avons déjà éprouvé le peuple de Pharaon quand un noble messager leur était venu. أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين. Leur disant, livrez-moi les serviteurs d'Allah, je suis pour vous un messager digne de confiance. <t'en> آتيكم بسلطان مبين. Ne vous montrez pas hautain vis-à-vis d'Allah, car je vous apporte une preuve évidente. Et je cherche protection auprès de mon Seigneur et votre Seigneur pour que vous ne me lapidiez pas. Si vous ne voulez pas croire en moi, éloignez-vous de moi. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. Il invoqua alors son Seigneur, ce sont des gens criminels. فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. Voyage de nuit avec mes serviteurs, vous serez poursuivis. Laisse la mer calme, telle que tu l'as franchie, ce sont des armées vouées à la noyade. كم تركوا من جنات وعيون. Que de jardins et de sources ils laissèrent derrière eux. Que de champs et de superbes résidences. Que de délices au sein desquels ils se réjouissaient. كذلك وأورثناها قوما آخرين. Il en fut ainsi et nous fîmes qu'un autre peuple en hérita. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. Ni le ciel ni la terre ne les pleurèrent et ils n'eurent aucun délai. وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ. Et certes, nous sauvâmes les enfants d'Israël du châtiment avilissant. مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ. De Pharaon qui était hautain et outrancier. ولقد اخترناهم على علم على العالمين. À bon escient, nous les choisîmes parmi tous les peuples de l'univers. وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. Et leur apportâmes des miracles de quoi les mettre manifestement à l'épreuve. إن هؤلاء ليقولون. Cela, les Mécois disent. إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين. Il n'y a pour nous qu'une mort, la première, et nous ne serons pas ressuscités. فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Faites donc revenir nos ancêtres si vous êtes véridiques. أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ. Sont-ils les meilleurs ou le peuple de Touba et ceux qui les ont précédés? Nous les avons fait périr parce que vraiment ils étaient criminels. Ce n'est pas par divertissement que nous avons créé les cieux et la terre et ce qui est entre eux. ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. Nous ne les avons créés qu'en toute vérité, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. En vérité, le jour de la décision sera leur rendez-vous à tous. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون. Le jour où un allié ne sera d'aucune utilité à un autre allié, et ils ne seront point secourus non plus. إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. Sauf celui à qui Allah fera miséricorde, car c'est lui le puissant, le très miséricordieux. إن شجرة الزقوم. Certes, l'arbre de Zakoum. طعام الأثيم. Sera la nourriture du grand pêcheur, comme du métal en fusion, il bouillonnera dans les ventres, comme le bouillonnement de l'eau surchauffée. Qu'on le saisisse et qu'on l'emporte en plein dans la fournaise. Qu'on verse ensuite sur sa tête de l'eau bouillante comme châtiment. Goûte, toi qui prétendais être le puissant, le noble. إن هذا ما كنتم به تمترون. Voilà ce dont vous doutiez. إن المتقين في مقام أمين. Les pieux seront dans une demeure sûre. في جنات وعيون. Parmi des jardins et des sources. يلبسون من سندس واستبرق متقابلين. Ils porteront des vêtements de satin et de brocart et seront placés face à face. كذلك وزوجناهم بحور عين. C'est ainsi, et nous leur donnerons pour épouses des houris aux grands yeux. يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. Ils y demanderont en toute quiétude toutes sortes de fruits. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. Ils n'y goûteront pas à la mort sauf leur mort première, et Allah les protégera du châtiment de la fournaise. فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. C'est là une grâce de ton Seigneur et c'est là l'énorme succès. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. Nous ne l'avons facilité dans ta langue qu'afin qu'ils se rappellent. فارتقب إنهم مرتقبون. Attends donc, eux aussi attendent.